sur leur trône. Asalam Record. Écoute. Ils sont peu à savoir ce qu'on vit, pourtant si seulement ils savaient. On a grandi en speed avec nos ganaches, pas la fraie. Y'avait plus de place dans l'ascenseur, il a fallu prendre l'escalier. Mais qu'importe les heures, à l'arrivée on sera musclé. Pendant qu'ils créent un tas de caviar, ici on suce les caillasses. Gros peu importe l'odeur du plat, du moment que la dalle nous passe. Mais qu'on s'est frotté aux ronces, on a tutoyé les ronces. Frangin, si seulement ils savaient qu'un beau jour le vent changera de sens. Je sais même plus sur quel pied je danse, ouais. Mais peu importe, j'avancerai côte que côte et enfoncerai chacune des portes. Étonne pas que la rage nous escorte, ici les esprits s'emballent. Gros, on vit pas au bord de la mer, mais nos rêves ont jamais les voiles. Et pour un monde meilleur, je crois qu'on n'a pas cotisé. On a voulu pécho le bonheur, mais on sait pas le cotiser. Alors on joue des coups sans cesse et aspire que la souffrance. Ma gueule, si seulement ils savaient qu'un beau jour le vent changera de sens, ouais. Alors je jette ces lignes, ouais t'as capté que c'est pas du Céline. Moi tous les soirs je me casse la tête dans les boomers, pas dans une slim. Affronter mille défaites, et t'étonne pas si je deviens dingue. Attends un peu que je prenne la plume, on me dira baisse ton flingue. J'envoie des bestas à ceux qui voulaient ma peau. Si le son pète sa race, ouais ça flattera pas mon ego. Ça changera pas ma façon de vivre tellement j'ai bouffé des baffes. Noirci des tonnes de pages, frère n'ont pas étanché ma soif. Je crois qu'il est temps de se repentir, alors dis-moi comment faire. Si les meilleurs partent en premier, c'est sûrement pas pour l'enfer. J'en ai déjà pris pour 12 enfers, mais je vise la perpétuité. Mais tôt ou tard j'arrêterai le son pour rôle de paternité. Plus rien à battre, il faut que je me batte pour voir ce que j'ai mérité. Ce monde me dégoûte, me répugne, comment ça mériter, ouais. Si seulement ils savaient que si seul on se sentait. Si se menait au sommet, on ne perdrait pas le sommeil. Si seulement ils savaient les choses que l'on ressentait. Mais seulement il s'avère que durer de se recentrer, ouais. Si seulement ils savaient que si seul on se sentait. Si se menait au sommet, on ne perdrait pas le sommeil. Si seulement ils savaient les choses que l'on ressentait. Mais seulement il s'avère que j'ai du mal à me recentrer.